Section 30. Troisième partie, livre 9e. Suite. Je reçus du président du conseil une lettre qui réglait tout et qui prouvait, à ma grande simplicité, que je n'avais rien pris de ce qui rend un homme respecté et respectable. Paris, 16 juin 1824. Monsieur le Vicomte, je me suis empressé de soumettre à Sa Majesté l'ordonnance par laquelle il vous est accordé des charges pleines et entières des sommes que vous avez reçues du Trésor royal pour dépenses secrètes pendant tout le temps de votre ministère. Le roi a approuvé toutes les dispositions de cette ordonnance que j'ai l'honneur de vous transmettre ci-jointe en original. Agréez, monsieur le Vicomte, etc. Mes amis et moi nous expédiâmes une prompte correspondance. Monsieur de Chateaubriand à Monsieur de Talaru, Paris, 9 juin 1824. Je ne suis plus ministre, mon cher ami, on prétend que vous l'êtes. Quand je vous obtins l'ambassade de Madrid, je dis à plusieurs personnes qui s'en souviennent encore, je viens de nommer mon successeur. Je désire avoir été prophète. C'est Monsieur de Villèle qui a le portefeuille par intérim. Chateaubriand. Monsieur de Chateaubriand à Monsieur de Renneval, Paris, 16 juin 1824. J'ai fini, monsieur, j'espère que vous en avez encore pour longtemps. J'ai tâché que vous n'eussiez pas à vous plaindre de moi. Il est possible que je me retire à Neuchâtel, en Suisse. Si cela arrive, demandez pour moi d'avance à Sa Majesté prussienne sa protection et ses bontés. Offrez mon hommage au comte de Bernstorff, mes amitiés à monsieur Ancillon et mes compliments à tous vos secrétaires. Vous, monsieur, je vous prie de croire à mon dévouement et à mon attachement très sincère. Chateaubriand. Monsieur de Chateaubriand à Monsieur de Caraman, Paris, 22 juin 1824. J'ai reçu, monsieur le marquis, vos lettres du 11 de ce mois. D'autres que moi vous apprendront la route que vous aurez à suivre désormais. Si elle est conforme à ce que vous avez entendu, elle vous mènera loin. Il est probable que ma destitution fera grand plaisir à monsieur de Metternich pendant une quinzaine de jours. Recevez, monsieur le marquis, mes adieux et la nouvelle assurance de mon dévouement et de ma haute considération. Chateaubriand. Monsieur de Chateaubriand à monsieur Hyde de Neuville. Paris, le 22 juin 1824. Vous aurez sans doute appris ma destitution. Il ne me reste qu'à vous dire combien j'étais heureux d'avoir avec vous des relations que l'on vient de briser. Continuez, monsieur et ancien ami, à rendre des services à votre pays, mais ne comptez pas trop sur la reconnaissance et ne croyez pas que vos succès soient une raison pour vous maintenir au poste où vous vous faites tant d'honneur. Je vous souhaite, monsieur, tout le bonheur que vous méritez et je vous embrasse. Post-scriptum, je reçois à l'instant votre lettre du 5 de ce mois où vous m'apprenez l'arrivée de monsieur de Mérona. Je vous remercie de votre bonne amitié. Soyez sûr que je n'ai cherché que cela dans vos lettres. Chateaubriand. Monsieur de Chateaubriand à Monsieur le Comte de Serres. Paris, le 23 juin 1824. Ma destitution vous aura prouvé, Monsieur le Comte, mon impuissance à vous servir. Il ne me reste qu'à faire des souhaits pour vous voir où vos talents vous appellent. Je me retire, heureux d'avoir contribué à rendre à la France son indépendance militaire et politique et d'avoir introduit la septennalité dans son système électoral. Elle n'est pas telle que je l'aurais voulu. Le changement d'âge en était une conséquence nécessaire, mais enfin le principe est posé. Le temps fera le reste, si toutefois il ne défait pas. J'ose me flatter, monsieur le comte, que vous n'avez pas eu à vous plaindre de nos relations, et moi je me féliciterai toujours d'avoir rencontré dans les affaires un homme de votre mérite. Recevez avec mes adieux, etc. Chateaubriand. Monsieur de Chateaubriand à Monsieur de La Ferronnay, Paris, le 24 juin 1824. Si par hasard vous étiez encore à Saint-Pétersbourg, monsieur le comte, je ne veux pas terminer notre correspondance sans vous dire toute l'estime et toute l'amitié que vous m'avez inspirée. Portez-vous bien, soyez plus heureux que moi, et croyez que vous me retrouverez dans toutes les circonstances de la vie. J'écris un mot à l'empereur. Chateaubriand. La réponse à cet adieu arriva dans les premiers jours d'août. Monsieur de La Ferronnay avait consenti aux fonctions d'ambassadeur sous mon ministère. Plus tard, je devins à mon tour ambassadeur sous le ministère de Monsieur de La Ferronnay. Ni l'un ni l'autre n'avons cru monter ou descendre. Compatriotes et amis, nous nous sommes rendus mutuellement justice. Monsieur de La Ferronnay a supporté les plus rudes épreuves sans se plaindre. Il est resté fidèle à ses souffrances et à sa noble pauvreté. Après ma chute, il a agi pour moi à Pétersbourg comme j'aurais agi pour lui. Un honnête homme est toujours sûr d'être compris d'un honnête homme. Je suis heureux de produire ce touchant témoignage du courage, de la loyauté et de l'élévation d'âme de M. de La Ferronnays. Au moment où je reçus ce billet, il me fut une compensation très supérieure aux faveurs capricieuses et banales de la fortune. Ici seulement, pour la première fois, je crois devoir violer le secret honorable que me recommandait l'amitié. M. de La Ferronnays à M. de Chateaubriand, Saint-Pétersbourg, le 4 juillet 1824. Le courrier russe arrivé avant-hier m'a remis votre petite lettre du 16. Elle devient pour moi une des plus précieuses de toutes celles que j'ai eu le bonheur de recevoir de vous. Je la conserve comme un titre dont je m'honore, et j'ai la ferme espérance et l'intime conviction que bientôt je pourrai vous le présenter dans des circonstances moins tristes. J'imiterai, monsieur le vicomte, l'exemple que vous me donnez, et ne me permettrai aucune réflexion sur l'événement qui vient de rompre d'une manière si brusque et si peu attendue les rapports que le service établissait entre vous et moi. La nature même de ces rapports, la confiance dont vous m'honoriez, enfin des considérations bien plus graves, puisqu'elles ne sont pas exclusivement personnelles, vous expliqueront assez les motifs et toute l'étendue de mes regrets. Ce qui vient de se passer reste encore pour moi entièrement inexplicable. J'en ignore absolument les causes, mais j'en vois les effets. Il était si facile, si naturel à prévoir, que je suis étonné que l'on ait si peu craint de les braver. Je connais trop cependant la noblesse des sentiments qui vous animent et la pureté de votre patriotisme pour n'être pas bien sûr que vous approuverez la conduite que j'ai cru devoir suivre dans cette circonstance. Elle m'était commandée par mon devoir, par mon amour pour mon pays et même par l'intérêt de votre gloire. Et vous êtes trop français pour accepter, dans la situation où vous vous trouvez, la protection et l'appui des étrangers. Vous avez pour jamais acquis la confiance et l'estime de l'Europe. Mais c'est la France que vous servez, c'est à elle seule que vous appartenez. Elle peut être injuste. Mais si vous, ni vos véritables amis, ne souffriront jamais que l'on rende votre cause moins pure et moins belle, en confiant sa défense à des voix étrangères, j'ai donc fait taire toute espèce de sentiments et de considérations particulières devant l'intérêt général. J'ai prévenu des démarches dont le premier effet devait être de susciter parmi nous des divisions dangereuses et de porter atteinte à la dignité du trône. C'est le dernier service que j'ai rendu ici avant mon départ. Vous seul, monsieur le vicomte, en aurez la connaissance. La confidence vous en était due. Et je connais trop la noblesse de votre caractère pour n'être pas bien sûr que vous me garderez le secret et que vous trouverez ma conduite dans cette circonstance conforme au sentiment que vous avez le droit d'exiger de ceux que vous honorez de votre estime et de votre amitié. Adieu, monsieur le vicomte. Si les rapports que j'ai eu le bonheur d'avoir avec vous ont pu vous donner une idée juste de mon caractère, vous devez savoir que ce ne sont point les changements de situation qui peuvent influencer mes sentiments, et vous ne douterez jamais de l'attachement et du dévouement de celui qui, dans les circonstances actuelles, s'estime le plus heureux des hommes d'être placé par l'opinion au nombre de vos amis. La Ferronnays. Messieurs de Fontenay et de Pontcarré sentent vivement le prix du souvenir que vous voulez bien leur conserver. Témoins, ainsi que moi, de l'accroissement de considération que la France avait acquis depuis votre entrée au ministère, il est tout simple qu'ils partagent mes sentiments et mes regrets. Je commençais le combat de ma nouvelle opposition immédiatement après ma chute. Mais il fut interrompu par la mort de Louis XVIII, et il ne reprit vivement qu'après le sacre de Charles X. Au mois de juillet, je rejoignis à Neuchâtel Madame de Chateaubriand, qui était allée m'y attendre. Elle avait loué une cabane au bord du lac. La chaîne des Alpes se déroulait nord et sud à une grande distance devant nous. Nous étions adossés contre le Jura, dont les flancs noircis de pins montaient à pic sur nos têtes. Le lac était désert, une galerie de bois me servait de promenoir, je me souvenais de Mylord Maréchal. Quand je montais au sommet du Jura, j'apercevais le lac de Bienne, aux brises et aux flots de qui Jean-Jacques Rousseau doit une de ses plus heureuses inspirations. Madame de Chateaubriand alla visiter Fribourg et une maison de campagne que l'on nous avait dit charmante et qu'elle trouva glacée, quoiqu'elle fût surnommée la Petite Provence. Un maigre chat noir, demi-sauvage, qui pêchait de petits poissons en plongeant sa patte dans un grand seau rempli de l'eau du lac, était toute ma distraction. Une vieille femme tranquille, qui tricotait toujours, faisait, sans bouger de sa chaise, notre festin dans une huguenote. Je n'avais pas perdu l'habitude du repas du rat des champs. Neuchâtel avait eu ses beaux jours. Il avait appartenu à la duchesse de Longueville. Jean-Jacques Rousseau s'était promené en habit d'Arménien sur ses monts, et Madame de Charrière, si délicatement observée par M. de Sainte-Beuve, en avait décrit la société dans les lettres neuchâteloises. Mais Juliane, Mademoiselle de la Prise, Henri Meyer, n'était plus là. Je n'y voyais que le pauvre Fauche-Borel de l'ancienne émigration. Il se jeta bientôt après par sa fenêtre. Les jardins peignés par M. Pourtalès ne me charmaient pas plus qu'un rocher anglais élevé de main d'homme dans une vigne voisine en regard du Jura. Berthier, dernier prince de Neuchâtel, de par Bonaparte, était oublié malgré son petit simplon du Val de Travers et quoiqu'il se fût brisé le crâne de la même façon que Fauche-Borel. La maladie du roi me rappela à Paris. Le roi mourut le 16 septembre, 4 mois à peine après ma destitution. Note. Le 13 septembre, le roi avait reçu les derniers sacrements de la main du grand aumônier en présence de la famille royale. Il reçut, dit Lamartine, avec une piété recueillie et avec une liberté d'attention complète, les saintes cérémonies, répondant quelquefois lui-même par des versets de psaumes latins aux versets psalmodiés par les pontifes. Il remercia le clergé et prit un congé éternel des officiers de sa maison. Le mourant, après ses cérémonies et ses adieux, resta entouré seulement de son frère, de son neveu, de la duchesse d'Angoulême et de quelques serviteurs, dans des assoupissements interrompus de courts réveils, sans agonie, sans délire, sans douleur. À l'aube du jour, le 16 septembre, jour qu'il avait fixé lui-même à ses médecins pour le terme de ses forces, le premier médecin, le baron Portal, entr'ouvrit ses rideaux et prit son bras pour s'assurer si le pouls battait encore. Le bras était chaud, mais le pouls ne battait plus dans l'artère. Le roi dormait du dernier sommeil. M. Portal leva la couverture et se retournant du côté des assistants, « Le roi est mort, messieurs, » dit-il en s'inclinant devant le comte d'Artois, « Vive le roi !» Histoire de la Restauration, tome 7, page 396. Le maréchal Marmont, duc de Raguse, assistait au dernier moment du roi. Il en parle ainsi dans ses mémoires. La mort de Louis XVIII est un des spectacles les plus admirables dont j'ai jamais été témoin. Il s'est montré avec la physionomie d'un sage de l'Antiquité au moment de cette grande épreuve. Il n'est pas de grand homme dont la vie ne serait honorée par une telle mort. Mémoire du maréchal Marmont, duc de Raguse, tome 7, page 311. Fin de note. Ma brochure ayant pour titre « Le roi est mort, vive le roi », dans laquelle je saluais le nouveau souverain, opéra pour Charles X ce que ma brochure de Bonaparte et des Bourbons avait opéré pour Louis XVIII. Note. Dans cette brochure, Chateaubriand parlait en ces termes de la mort de Louis XVIII. Depuis longtemps, il est donné au peuple le plus brave d'avoir à sa tête les princes qui meurent le mieux. Par les exemples de l'histoire, on serait autorisé à dire « mourir comme un Bourbon » pour exprimer tout ce qu'un homme peut mettre de magnanimité dans sa dernière heure. Louis XVIII n'a point démenti cette intrépidité de famille. Après avoir reçu le Saint Viatique au milieu de sa cour, le fils aîné de l'Église a béni d'une main défaillante, mais d'un front serein, ce frère encore appelé à un lit funèbre, ce neveu qu'il nommait le fils de son choix, cette nièce deux fois orpheline et cette veuve deux fois mère. Fin de note. J'allais chercher Madame de Chateaubriand à Neuchâtel, et nous vîmes à Paris loger rue du Regard. Charles X popularisa l'ouverture de son règne par l'abolition de la censure. Le sacre eut lieu au printemps de 1825. Jacques en soi, les abeilles à bourdonner, les oiseaux à rossignoler et les agneaux à sauteler. Je trouve parmi mes papiers les pages suivantes écrites à Reims. Reims, 26 mai 1825. Le roi arrive après-demain. Il sera sacré dimanche 29. Je lui verrai mettre sur la tête une couronne à laquelle personne ne pensait en 1814, quand j'élevai la voix. J'ai contribué à lui ouvrir les portes de la France. Je lui ai donné des défenseurs en conduisant à bien l'affaire d'Espagne. J'ai fait adopter la charte et j'ai su retrouver une armée, les deux seules choses avec lesquelles le roi puisse régner, au-dedans et au-dehors. Quel rôle m'est réservé au sacre ? Celui d'un proscrit. Je viens de recevoir dans la foule un cordon prodigué que je ne tiens pas même de Charles X. Les gens que j'ai servis et placés me tournent le dos. Le roi tiendra mes mains dans les siennes, il me verra à ses pieds sans être ému quand je prêterai mon serment, comme il me voit sans intérêt recommencer mes misères. Cela me fait-il quelque chose ? Non. Délivré de l'obligation d'aller aux Tuileries, l'indépendance compense tout pour moi. J'écris cette page de mes mémoires dans la chambre où je suis oublié au milieu du bruit. J'ai visité ce matin Saint-Rémy et la cathédrale décorée de papier peint. Je n'aurais eu une idée claire de ce dernier édifice que par les décorations de la Jeanne d'Arc de Schiller, jouée devant moi à Berlin. Des machines d'opéra m'ont fait voir au bord de la Spree ce que des machines d'opéra me cachent au bord de la Vesle. Du reste, j'ai pris mon divertissement parmi les vieilles races, depuis Clovis avec ses francs et son pigeon descendu du ciel, jusqu'à Charles VII avec Jeanne d'Arc. Je suis venu de mon pays, pas plus haut qu'une botte, avec ma marmotte. Un petit sou, monsieur, s'il vous plaît. Voilà ce que m'a chanté au retour de ma course un petit Savoyard, arrivé tout juste à Reims. Et qu'es-tu venu faire ici ? Lui ai-je dit. Je suis venu au sacre, monsieur. Avec ta marmotte ? Oui, monsieur. « Avec ma marmotte » m'a-t-il répondu en dansant et en tournant. « Eh bien, c'est comme moi, mon garçon. » Cela n'était pas exact. J'étais venu au sacre sans marmotte, et une marmotte est une grande ressource. Je n'avais dans mon coffret que quelques vieilles songeries qui ne m'auraient pas fait donner un petit sou par le passant pour l'avoir grimpé autour d'un bâton. Louis XVII et Louis XVIII n'ont point été sacrés. Le sacre de Charles X vient immédiatement après celui de Louis XVI. Charles X assista au couronnement de son frère. Il représentait le duc de Normandie, Guillaume le Conquérant. Sous quels heureux auspices Louis XVI ne montait-il pas au trône ? Comme il était populaire en succédant à Louis XV. Et pourtant, qu'est-il devenu ? Le sacre actuel sera la représentation d'un sacre, non un sacre. Nous verrons le maréchal Moncey, acteur au sacre de Napoléon. Ce maréchal qui, jadis, célébra dans son armée la mort du tyran Louis XVI. Nous le verrons brandir l'épée royale à Reims, en qualité de comte de Flandre ou de duc d'Aquitaine. À qui cette parade pourrait-elle faire illusion ? Je n'aurais voulu aujourd'hui aucune pompe. Le roi à cheval, l'église nue, ornée seulement de ses vieilles voûtes et de ses vieux tombeaux. Les deux chambres présentes, le serment de fidélité à la charte, prononcé à haute voix sur l'Évangile. C'était ici le renouvellement de la monarchie. On la pouvait recommencer avec la liberté et la religion. Malheureusement, on aimait peu la liberté, encore si l'on avait eu du moins le goût de la gloire. Ah, que diront là-bas, sous les tombes poudreuses, de tant de vaillants rois les ombres généreuses ? Que diront Pharamond, Clodion et Clovis, nos Pépins, nos Martel, nos Charles, nos Louis, qui, de leur propre sang, à tout péril de guerre, ont acquis à leur fils une si belle terre. Enfin, le sacre nouveau où le pape est venu oindre un homme aussi grand que le chef de la seconde race, n'a-t-il pas, en changeant les têtes, détruit les faits de l'antique cérémonie de notre histoire ? Le peuple a été amené à penser qu'un rite pieux ne dédiait personne au trône, ou rendait indifférent le choix du front auquel s'appliquait l'huile sainte. Les figurants à Notre-Dame de Paris, jouant pareillement dans la cathédrale de Reims, ne seront plus que les personnages obligés d'une scène devenue vulgaire. L'avantage demeura à Napoléon, qui envoie ses comparses à Charles X. La figure de l'empereur domine tout, désormais. Elle apparaît au fond des événements et des idées. Les feuillets des battants où nous sommes arrivés se recroquevillent au regard de ces aigles. Reims, samedi, veille du sacre. J'ai vu entrer le roi. J'ai vu passer les carrosses dorées du monarque, qui naguère n'avait pas une monture. J'ai vu rouler ses voitures pleines de courtisans qui n'ont pas su défendre leur maître. Cette tourbe est allée à l'église chanter le Te Deum. Et moi, je suis allé voir une ruine romaine et me promener seul dans un bois d'ormeaux appelé le bois d'amour. J'entendais de loin la jubilation des cloches, Je regardais les tours de la cathédrale, témoins séculaires de cette cérémonie toujours la même, et pourtant si diverse par l'histoire, les temps, les idées, les mœurs, les usages et les coutumes. La monarchie a péri, et la cathédrale a, pendant quelques années, été changée en écurie. Charles X, qui la revoit aujourd'hui, se souvient-il qu'il a vu Louis XVI recevoir l'onction au même lieu où il va la recevoir à son tour ? Croira-t-il qu'un sacre mette à l'abri du malheur ? Il n'y a plus de main assez vertueuse pour guérir les écrouelles, plus de Saint-Ampoule assez salutaire pour rendre les rois inviolables. J'écrivis à la hâte ce qu'on vient de lire sur les pages demi-blanches d'une brochure ayant pour titre « Le sacre » par Barnage de Reims, avocat, et sur une lettre imprimée du grand référendaire, M. de Sémonville, disant « Le grand référendaire a l'honneur d'informer sa seigneurie, M. le vicomte de Chateaubriand, que des places dans le sanctuaire de la cathédrale de Reims sont destinées et réservées pour ceux de messieurs les pères qui voudront assister le lendemain du sacre et couronnement de sa majesté à la cérémonie de la réception du chef et souverain grand maître des ordres du Saint-Esprit et de Saint-Michel et de la réception de messieurs les chevaliers et commandeurs. » Charles X avait eu pourtant l'intention de me réconcilier. L'archevêque de Paris lui parlant à Reims des hommes dans l'opposition, le roi avait dit « Ceux qui ne veulent pas de moi, je les laisse. » L'archevêque reprit « Mais sire, monsieur de Chateaubriand ? Oh, celui-là, je le regrette. » L'archevêque demanda au roi s'il me le pouvait dire. Le roi hésita, fit deux ou trois tours dans la chambre et répondit « Eh bien, oui, dites-le-lui. » Et l'archevêque oublia de m'en parler. À la cérémonie des chevaliers des ordres, je me trouvais à genoux au pied du roi, dans le moment que M. de Villèle prêtait son serment. J'échangeais deux ou trois mots de politesse avec mon compagnon de chevalerie à propos de quelques plumes détachées de mon chapeau. Nous quittâmes les genoux du prince, et tout fut fini. Le roi, ayant eu de la peine à ôter ses gants pour prendre mes mains dans les siennes, m'avait dit en riant « Chaganté ne prend point de souris ». On avait cru qu'il m'avait parlé longtemps, et le bruit de ma faveur renaissante s'était répandu. Il est probable que Charles X, s'imaginant que l'archevêque m'avait entretenu de sa bonne volonté, attendait de moi un mot de remerciement et qu'il fut choqué de mon silence. Ainsi, j'ai assisté au dernier sacre des successeurs de Clovis. Je l'avais déterminé par les pages où j'avais sollicité le sacre, et dépeint dans ma brochure « Le roi est mort, vive le roi ». Ce n'est pas que j'eusse la moindre foi à la cérémonie, mais comme tout manquait à la légitimité, il fallait, pour la soutenir, user de tout, vaille que vaille. Je rappelais cette définition d'Adalbéron, « Le couronnement d'un roi de France est un intérêt public, non une affaire particulière. » « Publica sunt haec negotia non privata. » Je citais l'admirable prière réservée pour le sacre. « Dieu qui, par tes vertus, conseille tes peuples, donne à celui-ci, ton serviteur, l'esprit de ta sapience. Quand ces jours naissent à tous équité et justice, aux amis, secours, aux ennemis, obstacles, aux affligés, consolation, aux élevés, correction, aux riches, enseignement, aux indigents, pitié, aux pèlerins, hospitalité, aux pauvres sujets, paix et sûreté en la patrie. Qu'il apprenne, le roi, à se commander soi-même, à modérément gouverner un chacun selon son état, afin, ô Seigneur, qu'il puisse donner à tout le peuple exemple de vie à toi agréable. » Avant d'avoir apporté dans ma brochure « Le roi est mort, vive le roi », cette prière conservée par Du Tillet, je m'étais écrié « Supplions humblement Charles X d'imiter ses aïeux. 32 souverains de la troisième race ont reçu l'onction royale. » Tous mes devoirs étant remplis, je quittai Reims et je pus dire, comme Jeanne d'Arc, ma mission est finie. Fin de la section 30.